Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous fêtons aujourd'hui une très grande fête, celle de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, la descente du Saint-Esprit selon la promesse du Christ faite aux apôtres, une fête qui constitue également l'anniversaire, je dirais, de l'Église, donc une fête fondamentale. Pour en parler avec nous, le Père Siméon, qui était déjà ici il y a 10 jours pour parler de l'Ascension. Père Siméon, vous êtes igoumène du monastère Saint-Silouane, qui se trouve près du Mans. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de la Pentecôte. Voilà. Alors, que constitue-t-elle dans l'année liturgique, dans ce cycle? La Pentecôte est une finale du cycle liturgique. C'est jamais très juste de parler de finale, parce que rien n'est jamais fini dans la relation avec Dieu, et la vie liturgique n'est pas quelque chose qui se limite, n'est-ce pas? Bon. Mais quand même, nous voyons bien que il y a eu la fête de la Nativité, donc démarrage au niveau de l'incarnation, l'Annonciation avant, bien sûr, la Nativité. Nous avons vécu la vie du Christ, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension. Et, comme vous le disiez, maintenant, voilà puisqu'il a promis à l'Ascension, à ses apôtres, de leur envoyer l'Esprit Saint, voilà que l'Esprit Saint vient et que les apôtres réunis le reçoivent. C'est donc la fin d'un cycle. Mais il faut tout de suite dire que si c'est la fin d'un cycle liturgique, c'est le début d'un autre cycle, mais extrêmement important, qui est le cycle de la vie de l'Église. À partir du moment où le Saint-Esprit vient sur les apôtres, à ce moment-là, l'Église est créée. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et donc, nous commençons un nouveau cycle qui ne se terminera qu'à la fin des temps. Car, bon, il est évident qu'à la parousie, l'Église en tant qu'institution n'existera plus, ça n'aura pas d'intérêt. Nous serons dans la plénitude de l'Église, dans la plénitude de la communion avec Dieu. Mais là, nous sommes dans un nouveau cycle, celui de la naissance de l'Église, celui de la vie de l'Église, ce cycle qui va passer par, comme le Christ, par la passion aussi, qui va passer aussi par la mort, et qui va passer par la résurrection. C'est-à-dire que toute la vie de l'Église est rythmée par des événements personnels pour chacun d'entre nous, et communautaires à certains moments. Ces événements, c'est naissance, nous naissons, nous vivons, nous souffrons, nous mourons et nous ressuscitons. On retrouve exactement le schéma de l'incarnation du Christ. Donc nous avons le bénéfice de ce schéma, et puisque le Christ est venu prendre notre chair et qu'il est retourné, nous l'avons dit à l'occasion de la fête de l'Ascension, il est retourné vers le Père avec notre chair, donc avec nous. Il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés, puisqu'il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Autrement dit, ce nouveau cycle de naissance de l'Église, de vie, de souffrance, de mort et de résurrection, nous le vivons avec le Christ. Et ceci, c'est fondamental. Nous ne le vivons pas seuls, nous ne le vivons pas en étant des êtres abandonnés. Non, nous sommes appelés à vivre ce mystère de la vie de l'Église en communion avec le Christ, qui est la tête de l'Église, ne l'oublions pas, bien sûr. Et entre parenthèses, puisque l'Église va être appelée à naître, à vivre, à souffrir, à mourir et à ressusciter, ceux qui la composent en tant qu'homme sur cette terre, avec le Christ qui en est la tête de cette Église, ceux qui la composent sur cette terre doivent apprendre absolument à naître, à souffrir, à mourir et à ressusciter. Nous l'avons dit, nous sommes en apprentissage, on l'a dit l'autre fois, la dernière émission, nous sommes en apprentissage sur cette terre. Apprentissage de quoi? Apprentissage de l'amour, tout simplement. Eh bien, il faut que nous apprenions toutes ces étapes, que nous les accueillions toutes au moment où elles arrivent comme des réalités profondes de salut. Ce sont des expériences qui nous sont proposées par le Christ, dynamisées par l'Esprit qui est donné aux apôtres, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Et ainsi, nous allons apprendre, et on va pouvoir apprendre à naître, ce qui n'est pas facile, mais surtout, peut-être apprendre à mourir, à soi-même. C'est-à-dire, nous avons un égoïsme, un orgueil qui est enraciné en nous, spirituellement destructeur. Eh bien, il va falloir apprendre à arracher cela, et ceci passe par la mort de notre égoïsme, Nous devons apprendre à tuer l'égoïsme. Il faut arriver à le tuer, pas seul, on ne pourra pas le faire seul, uniquement par la grâce, en communion avec notre volonté. Mais il faut apprendre à mourir à soi-même, c'est-à-dire à cet égo, à cette manière de vouloir exister plutôt que d'être, n'est-ce pas ? À se limiter à des contingences, à des éléments qui n'ont pas vraiment de profondeur. Il faut aller au-delà, il faut laisser, quitter. Et à ce moment-là, si nous sommes dans ce mouvement d'apprentissage, eh bien, nous avançons vers la plénitude de l'amour, mais nous ne pouvons le faire que par la grâce de l'Esprit-Saint, Esprit qui était donné aux apôtres, aux disciples, au moment de cette extraordinaire fête de la Pentecôte. Peut-être nous pourrions tout de suite passer à l'événement Pentecôte. Là, c'est un peu, on a fait une petite réflexion sur à la fois le cycle liturgique qui s'achève et le début de la vie de l'Église. Et nous reviendrons en finale sur la vie de l'Église. Mais ce qui nous est dit dans les textes, que ce soit donc les actes des apôtres ou bien l'évangile, tout ça se nourrit la fête, et il nous est dit qu'ils étaient tous réunis au Cénacle, dans cette pièce qui avait été choisie, et tous les apôtres se sont réunis, mais ils ne se sont pas réunis d'une manière humaine, ça va au-delà de la réunion humaine. Ils se sont réunis parce que le Christ d'abord leur a dit « Rentrez à Jérusalem et restez à Jérusalem et attendez. » Voilà, attendre. Bon, savoir attendre, nous en avons parlé il y a 10 jours. Ils ont su attendre, ils se sont réunis. Il y avait les apôtres, il y avait la Mère de Dieu et il y avait quelques saintes femmes. Bon, ceci nous est rapporté dans les actes. Et ils sont tous réunis, mais il faut dire quelque chose de peut-être plus fort que le mot « réunion ». Ils sont unis. Ils sont unis. Ils sont unis par quoi ? Ils sont unis par le Christ, ils sont unis par l'amour du Christ qui leur a été donné et par l'amour qu'ils portent au Christ en conséquence de ce qu'il leur a donné. Et c'est un amour indéfectible de la part de tous ceux qui sont présents et c'est ce qui fait qu'ils sont unis profondément par l'amour, pas par quelque intérêt humain, mais par un dynamisme intérieur qui leur donnait cette capacité d'attente. Ils ont su attendre et le moment venu, l'Esprit s'est manifesté sous la forme d'un coup de vent, on va dire, un peu violent comme ça. Et puis, voilà qu'ils voient des langues de feu se déposer sur la tête de chacun d'entre eux. Et je pense que là, nous touchons aussi à quelque chose de très très important. Parce que ces langues de feu qui se déposent sur la tête de chacune des personnes présentes dans le Cénacle, cela signifie que Dieu nous respecte totalement en tant que personne. Il aurait très bien pu que l'Esprit-Saint se manifeste sous la forme d'une boule de feu, par exemple, pourquoi pas, au milieu d'eux, et d'une manière un peu plus communautaire, on va dire impersonnelle. Mais non, chacun reçoit de manière, je dirais, égalitaire, le mot n'est pas très joli, mais bon, chacun reçoit l'Esprit-Saint personnellement, parce que nous sommes aimés personnellement. Chacun. Le Christ l'a dit. On le sait, on l'a entendu. Mais là, c'est manifesté concrètement. Concrètement par ces langues de feu qui se déposent. Dieu respecte chacun d'entre nous. Au travers de cet événement qui s'est passé au Cénacle, c'est chacun d'entre nous qui va être par la suite bénéficiaire de l'Esprit. Au travers de l'Église, et de la vie de l'Église, et de la vie des sacrements. Et je crois que il est bon de rappeler ce respect de Dieu face à la personne. Jamais Dieu ne nous violentera dans notre être profond. Pourquoi ? Parce que notre être profond ne peut s'accomplir que dans l'amour, et l'amour c'est Dieu. Donc je veux pas dire que c'est un mouvement narcissique de Dieu, ce serait complètement idiot de dire ça, mais c'est un mouvement circulaire, n'est-ce pas ? On ne sait pas où ça commence, mais l'amour est, et nous sommes les bénéficiaires de l'amour, et nous devenons amour, par l'Esprit-Saint, notamment, au travers de cette fête. Et à chaque fois que nous fêtons la Pentecôte, ce n'est pas le souvenir d'un événement historique, c'est l'exercice profond de la réception de cet amour de Dieu. Dans le dynamisme de l'esprit. C'est quelque chose de fondamental. Et lorsque un enfant ou un adulte est chrismé et reçoit au travers du Saint-Crème le don de l'Esprit, qui et le prêtre signe toujours tout le corps avec le Saint-Crème en disant « don du Saint-Esprit » partout, de la tête aux pieds, nous sommes chrismés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la tête aux pieds, c'est-à-dire tout notre être est pris dans cet amour. C'est le bénéfice, c'est la conséquence, je dirais, du bénéfice de la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Voilà. Et il y a peut-être en projection de la venue de l'Esprit-Saint et sur les apôtres et sur nous, au travers du sacrement que nous recevons quand nous sommes chrismés, mais il y a ce profil, le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est encore plus grand, c'est encore plus prégnant. Ça prend tout l'être. Le baptême de l'Esprit, c'est l'Esprit-Saint qui nous envahit, qui nous inonde dans l'expérience personnelle. Quand nous sommes petits enfants, quand nous sommes chrismés ou même adultes, bon, ben, il se passe un événement très important au travers du sacrement. Nous recevons la capacité de vivre avec l'Esprit. Mais cette capacité, il faut qu'elle se remplisse progressivement, au fur et à mesure que l'être se construit, se développe. Et à un moment de la vie, eh bien, nous allons goûter, chacun d'une mananière très différente, le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire l'envahissement extraordinairement merveilleux de l'amour de Dieu par l'Esprit-Saint dans notre être profond. Et alors là, nous sommes transfigurés. Nous sommes complètement transfigurés. Beaucoup d'idées très fortes dans ce que vous venez de dire. D'abord, cette idée de communion, cette idée d'appel personnel. Oui. Et tout ceci correspond avec la fondation de l'Église. Voilà. Ça, c'est très important pour dire que la communion et l'appel personnel se font dans l'Église. Voilà. Il y a deux réalités. Il y a, comme on l'a dit, union, unité d'amour au travers des apôtres et surtout avec le Christ. Et il y a le respect de chaque personne qui constitue cette communauté d'amour. Autrement dit, la réalité concrète de l'Église, c'est la réalité de personnes, et non pas d'individus, de personnes en relation, autrement dit, en relation avec Dieu et avec ses frères, avec nos frères. Et c'est ça l'Église, et avec le Christ fondamentalement, au milieu et comme chef. Et vous avez également rappelé l'importance de la vie sacramentelle, oui. Puisque vous avez parlé de la chrismation, qui est en quelque sorte la Pentecôte personnelle de voilà. chacun, qui voilà. reçoit l'Esprit, même si la fête, évidemment, la fête de la Pentecôte est fêtée tous les ans et elle ouvre les perspectives dont vous parliez. C'est pour dire donc que cette possibilité est donnée à chacun au moment de la chrismation. Voilà. Elle est renouvelée, en quelque sorte. À chaque fête. À chaque fête, voilà. À chaque Eucharistie, bien sûr. Et pour rappeler, pour marquer cet événement, il y a également la fête de la Pentecôte. Si vous voulez bien, on fait une toute petite pause musicale pour entendre le tropaire de la fête, qui, comme toujours, rappelle des événements marquants. Béni es-tu, ô Christ notre Dieu, toi qui as choisi les pécheurs pleins de sagesse et leur envoya d'en haut le Saint-Esprit, et qui par eux a pris au filet le monde entier. Ami des hommes, gloire à toi. C'est donc un chœur russe que nous allons entendre, le chœur de la Laure de la Trinité Saint-Serge et de l'Académie ecclésiastique de Moscou, sous la direction du père Nikolai Vassilievitch Matfei. Je pense que nous pouvons, à partir de ce que nous disions avant l'écoute du tropaire, revenir sur un acte liturgique que nous retrouvons à chacune de nos propres divines liturgies, lorsque le prêtre ou l'évêque demande au Seigneur Donc, au moment de l'épiclèse, au moment où, après avoir rappelé les paroles du Christ de la scène, eh bien, le prêtre ou l'évêque dit « Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ses dons ici présents et fais ce pain corps de ton Christ et ce vin sang de ton Christ. » Mais, bien sûr, c'est très important, on se souvient toujours que c'est par l'Esprit Saint que le pain et le vin deviennent sacramentellement corps et sang du Christ. Très bien, c'est fondamental, bien sûr, à l'Eucharistie. Mais on oublie, peut-être, qu'on commence par dire « Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ». Là aussi, une Pentecôte. Voilà, et nous sommes de nouveau dans la Pentecôte, nous sommes de nouveau dans le bénéfice de la venue de l'Esprit Saint. Et ce moment-là, c'est dommage que dans certaines traditions liturgiques, il soit esquivé. C'est-à-dire, il n'est pas esquivé, on l'oublie pas. Mais il est dit, plus ou moins secrètement, on chante pendant ce temps-là autre chose, les voix sont couvertes, on n'entend pas le prêtre. C'est très dommage. Parce qu'à ce moment-là, souvenons-nous qu'une fois que l'évêque et le prêtre, ou le prêtre a prononcé cette phrase, alors les fidèles répondent « Amen, Amen, Amen » par trois fois. C'est une prosternation. Rappelons-nous la prosternation des apôtres au moment où le Christ s'en va. Il se prosterne devant sa divinité, devant la réalité du Christ, homme et Dieu. Eh bien, lorsque nous clamons, et nous devons le clamer trois fois cet « Amen », eh bien nous clamons que l'Esprit Saint est Dieu et que nous appelons sa venue sur nous et sur les dons. Manifestation pentecostale par excellence. Tout à fait. D'ailleurs, l'Eucharistie, l'anaphore, c'est avec l'anamnèse, c'est-à-dire la partie souvenir, et l'épiclèse, la partie invocation du Saint-Esprit, en quelque sorte, un résumé également de l'histoire sainte qui finit par la Pentecôte. Voilà, tout à fait. Donc, on revient un petit peu à l'histoire du cycle qui se termine. Là aussi, dans la liturgie, nous sommes au point culminant qui achève. Après, on va communier, bien sûr, mais c'est la conséquence de tout cela. Si vous voulez bien, pour revenir à la fête, qui est un tout petit peu un pendant, mais dans un sens évidemment tout à fait différent, d'un événement que rapporte l'Ancien Testament. Nous avons ici, avec la Pentecôte, les apôtres qui deviennent sages. Ils peuvent parler toutes les langues, ils peuvent communiquer avec tous. Et ça rappelle un événement qui disait tout le contraire dans l'Ancien Testament. Bien sûr, l'histoire de la tour de Babel, la fameuse histoire de la tour de Babel, où les hommes, par orgueil, voulaient construire cette immense tour pour atteindre Dieu. Ils pensaient qu'en construisant quelque chose de gigantesque et en s'y mettant tous, ils atteindraient Dieu. Voilà, ça c'est l'orgueil de l'homme, n'est-ce pas, qui est bien en nous, on connaît bien cet orgueil, il se manifeste malheureusement un peu trop souvent. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? En définitive, Dieu, voyant leurs faiblesses et leurs erreurs, a permis qu'ils ne s'entendent plus, au sens strict du terme, qu'ils ne se comprennent plus, que les langues soient mélangées, et du coup, tout s'est écroulé, ils n'ont pas du tout pu achever cette tour, et ils ont abandonné. Là, c'est tout le phénomène inverse. Ce n'est plus l'orgueil qui dynamise les apôtres, c'est l'amour, c'est l'humilité, ils se sont prosternés devant le Christ, ils ont obéi au Christ, ils sont dans le cénacle, et là, ils vont annoncer la résurrection du Christ à tous ceux qui sont à Jérusalem. Et Dieu sait s'il y a des tas de peuples, n'est-ce pas? C'est décrit dans les Actes, les Mèdes, les Perses, enfin il y a toutes sortes de gens. Et tout le monde comprend ce que disent les apôtres et eux-mêmes s'expriment dans des langues différentes auxquelles ils n'étaient pas préparés. Alors ça c'est le mystère aussi de la Pentecôte, c'est-à-dire que c'est tout l'inverse de Babel. C'est tout l'inverse de Babel. Le dialogue qui était impossible autour de cette malheureuse tour, le dialogue non seulement est rétabli avec Dieu, mais il est aussi possible avec les hommes de la terre. Ce dialogue, d'où vient-il? Nous revenons toujours à la même question, il vient de l'amour. Qu'est-ce qui dynamise les apôtres à parler? C'est le Christ, mais le Christ qui est amour, qui leur a donné son amour, et eux-mêmes, les apôtres, veulent témoigner cet amour et rendre cet amour à Dieu. Et ils veulent le dire. Quand on aime quelqu'un, un fiancé qui aime sa fiancée ou réciproquement, il a envie de le dire. C'est normal, c'est légitime. Il faut que ça se voie, que ça se sente, que ça s'entende. Eh bien voilà, ils vont le faire. Ils sont dynamisés par l'amour qui n'est pas seulement un amour humain, mais un amour qui vient de Dieu, un amour qui transfigure, un amour qui rend le dialogue possible. Et Là, nous avons une piste de réflexion, mais plus que de réflexion, une piste de praxis, d'exercice de la foi, parce que ce dialogue, s'il devient possible, à cause de l'amour, nous devons en tirer des conclusions. C'est que sur cette terre, qui a été créée par Dieu, par amour, cette terre qui a été blessée par l'orgueil d'Adam, cette terre qui a été mutilée pendant un temps, mais rétablie dans l'amour par le Christ, sur cette terre, nous ne pouvons être en véritable dialogue, autrement dit en véritable communion, que par l'amour. C'est la clé fondamentale. Et c'est l'Esprit Saint qui donne cet amour. Aux chrétiens, bien sûr, mais l'Esprit va où il veut et comme il veut. Et ça dépasse énormément le christianisme. Autrement dit, ceci, et nous avons dit que la Pentecôte était la fête anniversaire de la création de l'Église. Autrement dit, dans l'Église, si on ne vit pas d'amour, on ne vit pas du tout. Il faut bien en être conscient. On vit ou on ne vit pas. Si on ne vit pas d'amour, on meurt, tout simplement. Il faut absolument que chaque chrétien, quel que soit son rang, son rôle, peu importe, ceci est tout à fait secondaire, exerce cet amour. Pour garder l'unité des apôtres, qui ne se sont réunis que par amour, pour rendre à Dieu cet amour, mais par le mouvement de l'Esprit, par la grâce de l'Esprit. Ce n'est pas possible autrement. Il n'y a pas d'autre moyen. On peut organiser tout ce qu'on veut, faire des tas de colloques, et il faut les faire. C'est nécessaire. Il faut pouvoir se parler sans se connaître. On ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. C'est du vent. On perd son temps. On perd son temps. Et alors, d'où la nécessité dans l'Église, je dirais d'abord dans l'Église orthodoxe, puisque nous sommes des orthodoxes, dans l'Église orthodoxe, de travailler à cet amour, malgré l'impossible événement qui se propose à nous à certains moments, qui nous bloque, qui nous blesse, qui nous casse. Eh bien, non, nous devons casser l'événement avec l'amour, le dépasser, ou passer sous la vague, comme dit saint Isaac, n'est-ce pas ? C'est très important dans l'Église, dans la vie d'Église, à tous les niveaux. Et s'il n'y a pas d'amour, c'est pas possible. C'est une antinomie avec le christianisme. C'est une antinomie avec le fait que l'on se dise chrétien. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas possible. Ceci étant, nous savons très bien que nous ne sommes pas parfaits, et que nous chutons, que nous sommes faibles, que l'orgueil est là, etc. Eh bien, ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Luttons. Demandons la grâce, supplions, la prière est là pour ça, les sacrements sont là pour ça, et continuons le chemin. Mais ça veut dire que si nous ne vivons pas dans cet esprit d'amour, selon l'Esprit Saint, eh bien nous devons nous convertir. Et c'est là tout le sens de la cèse chrétienne, tout le sens de du repentir intérieur, c'est-à-dire que nous constatons, je ne sais pas aimer à certains moments, pour X raisons. Bon. Plus ou moins valable. La plupart du temps, c'est pas valable comme raison. Mais bon, c'est l'histoire. Mais je ne sais pas aimer, mais je veux, on revient, vous savez, j'ai parlé du désir lors de la fête de l'Ascension, je veux dans un désir profond aimer Dieu. Je veux dans un désir profond donc aimer aussi mes frères. Et je ne veux pas baisser les bras devant le tentateur, devant ma propre faiblesse qui m'empêche d'aimer. Et là, nous sommes vraiment devant la question, à mon avis, unique de la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Apprendre à aimer. Apprendre dans l'Esprit Saint à aimer. Apprendre à nous convertir si nous ne savons pas aimer. Tout est possible puisque nous sommes en apprentissage. C'est possible. Alors, c'est valable pour la vie dans l'Église orthodoxe, bien évidemment, parce que rien n'est parfait dans l'Église orthodoxe. Je ne vois pas pourquoi ça serait parfait. Nous sommes constitués d'êtres humains, donc avec une capacité de faiblesse. L'Église est parfaite à cause de sa tête, qui est le Christ. Mais nous l'affaiblissons par nos propres faiblesses. Mais cette faiblesse-là, elle n'est pas conséquente, si on le veut bien. Si nous entrons dans le dynamisme de l'Esprit d'amour, de l'Esprit Saint qui nous est donné, à chaque fois que nous recevons cet esprit, nous pouvons nous redynamiser, et comme on dirait d'une manière moderne, recharger les batteries, n'est-ce pas ? Et on repart. Voilà pour l'Église orthodoxe, voilà pour la relation avec les églises chrétiennes, n'est-ce pas ? On a tellement de difficultés dans le mouvement œcuménique. Pourquoi il y a des difficultés ? À mon avis, c'est pas une question. Et peut-être que je ne donne que mon avis personnel, hein, je n'engage pas l'Église. Mais c'est pas une question théologique au sens intellectuelle de l'expression. Nous sommes arrivés à des dialogues tout à fait intéressants, par exemple avec l'Église catholique et avec l'Église protestante, sur beaucoup de points. Donc la question ne se situe pas là pour moi. La question fondamentale, c'est l'amour. Tu veux aimer ton frère qui est différent de toi dans sa tradition ou tu veux pas? Voilà, c'est ça la question. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux l'aimer? Tu veux vivre de l'Esprit-Saint comme lui vit de l'Esprit-Saint? Alors si tu veux vivre avec l'Esprit-Saint et que lui vit avec l'Esprit-Saint, la rencontre devient possible. Et puis, élargissons, ne nous limitons pas à cela. Tous les hommes de la terre sont capables d'aimer. Ils ont tous reçu cette capacité. On peut aller au bout de la terre, parler avec tous les hommes, connus, inconnus. Un seul point les intéresse, l'amour. Ça, c'est commun à tous les êtres sur cette terre, même les plus primitifs. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'assister à une émission à la télévision quand j'étais à Paris, très intéressante, une émission ethnologique, sur une peuplade où il y a plus de 150 ou 250 personnes, donc un groupe assez réduit, et où on voyait comment se transmettait l'amour et l'amitié entre les hommes, les femmes, etc. Mais c'était très touchant. J'étais très ému de voir ça, parce que ces gens très primitifs, qui vivaient pratiquement nus, qui mangeaient de racines, etc., qui vivaient de chasse, pour ce qui était des hommes et des enfants garçons, des jeunes garçons, mais on voyait qu'ils étaient capables d'amour, de s'embrasser, de se toucher, de se caresser, d'échanger, de se faire des cadeaux. Voilà, tout homme a une capacité d'amour, parce que l'Esprit-Saint s'est répandu sur toute la terre. Il s'est donné particulièrement aux apôtres avec une mission spécifique. Mais de là, on peut dire que tout a été imbibé de l'amour de l'Esprit-Saint. Toute la création chante l'amour de l'Esprit-Saint, est capable de chanter l'amour de l'Esprit-Saint, et particulièrement les êtres humains, bien sûr. Ce qui, je crois, est important également à rappeler, parce que vous avez parlé évidemment de séparation et de moments un peu difficiles dans l'histoire de l'Église, que nous vivons toujours par cette confessionnalisation. Bien sûr. C'est le fait que c'est par manque de communion qu'il y a eu ce résultat. Donc on voit bien où conduit cette absence, si vous voulez. Oui. Brisure de l'unité par le manque d'amour. Voilà. Tout à fait. À un moment ou à un autre. Nous n'avons pas à juger nos pères qui ont causé ces schismes, etc. Ça n'a pas d'intérêt de les juger. Il faut les comprendre, il faut analyser. Il y a des spécialistes, des historiens, des théologiens, etc. Très bien. Mais nous devons en tirer une conclusion fondamentale. Si nous brisons notre unité par manque d'amour, nous devons nous convertir. Et la conversion, c'est la quête de l'amour. Et il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est pas simplement quelques personnalités extrêmement importantes qui sont comme des phares, n'est-ce pas, des repères pour nous aider, pour nous consoler, nous conforter, et des intercesseurs et puis aussi des moyens de j'allais dire des bons modèles à copier, à recopier ou dont on doit s'inspirer. Mais la sainteté, elle est proposée à tous les êtres sur cette terre et aux chrétiens en particulier. Nous sommes appelés à la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est la vie de l'Esprit Saint en nous. C'est ça la sainteté. Donc de l'amour en nous. C'est la vie pour la participation de l'homme à la vie divine. Tout à fait. Merci beaucoup, Père. C'était donc la Pentecôte avec le Père Siméon. Notre prochaine émission, dimanche 10 juin, nous recevrons Alain Durel sur son livre « Eros transfiguré, variations sur Grégoire de Nice ». Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Annick Brien. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.